dire FLMC, Escobar, Poison, Cozy, le mystique à fourni, des fois T, trois fois c'est la mort. Mes expressions sont directes comme celle à Lumumba. On va percer le mur du sang, famille, parole de Moulouba. Comme l'Mbila de mon blé, je te balance de l'eau chaude. J'ai fait des trucs chauds, mais aujourd'hui je passe à autre chose. Je débarque avec Poison Escobar pour t'influencer. Depuis que je suis gosse avec les esprits ma bête que je suis fiancé. Confonds pas la réalité avec tes rêves, mon amboka. C'est soit tu marches avec nous, soit tu crèves. Peu de temps pour mettre les pendules à l'heure, alors soyons brefs. La vérité, c'est que nous sommes tous nés pour tuer. Chez moi pute prostituée en Jindumba. Même passe pas l'essence, Nakotumba. Nique les songi qui partent tout bas. J'ai quitté le glaive tout jeune, mon seul souvenir c'est les baobabs. Que je sois là-bas ou pas, c'est toujours la violence qui nous sert là-bas. Le chat est roi et roi, je te l'ai déjà dit. FLNC, Napoto, on bosse pour la famille. FLNC, je veux être un paroteur comme Papa Wemba Jovala. Basimbi Kissi, Poisson Kosi et Skopa. FLNC, le chat est roi et roi, je te l'ai déjà dit. FLNC, Napoto, on bosse pour la famille. FLNC, je veux être un paroteur comme Papa Wemba Jovala. Basimbi Kissi, Poisson Kosi et Skopa. Le 25 mai 1983, la clinique Ngaliema, près du fleuve Congo Kinshasa. C'est la merde, fallait pas me donner des faves sur Pana. Mon taf c'est mettre des bananes, les habiller en Dolce & Gabbana. Activez vos Bluetooth, c'est le son de la décennie. Escogozi Mobutu, c'est la guerre comme en Tchétchénie. Poison film, moi mon colo, j'ai pas eu de colonie. J'voulais un gros Mercos, paré d'ici comme Florent Pagny. J'ai pris des vacances à Châteaurouge. Les billets d'avion c'était une carte orange. Après Châtelet, tu sentiras la différence. FLNC en mode SDF, puis craft tout même de la CC. Chez moi, keuf, on dit qu'est. Trou l'astru avec ma voix de blédard. Dans le bateau, j'étais un intrus habillé en Versace et gros super. FLNC, le chat est roi et roi, j'te l'ai déjà dit. FLNC, Napoto, on bosse pour la famille. FLNC, j'veux être un paroteur comme Papa Wemba Jovala. Basimbi Kissi, Poisson Kosi et Skopa. FLNC, le chat est roi et roi, j'te l'ai déjà dit. FLNC, Napoto, on bosse pour la famille. FLNC, j'veux être un paroteur comme Papa Wemba Jovala. Basimbi Kissi, Poisson Kosi et Skopa. J'me suis léché les doigts pour caresser les pages d'évangile. Quand d'autres le font en rêvant de doigter évangélique. Mon rap chante comme la carabine. Si j'ai jeté l'éponge, c'est que j'ai fini nettoyer ton hémoglobine. Oublie la tombola, c'est domestique. J'ai domestiqué les chats de gouttière. J'suis un rat de Kinshasa, Tony Bamboula. Style à la bonne franquette. Élevé au pompe, au sport et l'esprit. Ton squelette drive-by baisse les stores bellec. Mes rimes sont des tiroirs parce qu'elles ont plusieurs sens. Je remplace la flotte par le sensé. Ne fais pas le mafiosi. Escobar, Maxon, Poison, Chimique et Zico Mokonzi. Ça se consomme comme le crack, la crunk, coup de cri, coup de crosse. Pas bon enfant comme Chris Cross qui a pris à la Ricross. FLNC, flow et lyrics naturels à la congolaise. Le mélange de la smoule avec la mayonnaise. C'est du lourd. De Kinshasa à Brazza jusqu'à la bande de Gaza. Du Jamdi à la prod, ça vient de Gaza. FLNC, Poison et Zico. C'est rude comme un rail de CC. Ma petit balai pili pili, ma canissa qui ketchup.